boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. C'est Chacal pour commencer. Et ce Calbarat, bah, il me plaît de plus en plus, surtout depuis qu'il a abandonné Pete Bertie et les Libertines. Ça me plaît beaucoup, comme me plaît beaucoup le petit groupe qu'on va écouter maintenant, un groupe qui s'appelle Domain. On va écouter un premier morceau qui s'appelle Children All Over the World. Et on se retrouve après ce premier morceau pour parler du nouvel album du groupe Domain. We'll be right back. sont très sympas, vous trouvez pas? C'est le nouvel album, non, qui s'appelle Mercy, il est sorti en 2020. Un album très hétérogène, avec des morceaux capables d'être légèrement psychédéliques, comme le morceau qu'on vient d'écouter, des morceaux plus 70s, et puis des morceaux également très intimistes, comme le morceau qu'on écoute maintenant, le morceau éponyme de l'album, Mercy. Le groupe s'appelle The Man. Of precision machines, landfills fill, strewn outward and fanned across the stream. The mainframe it don't calculate how mercy escape. Why mercy escape? Give me peace in my death. Mercy breathing in my last breath. I'm afraid I'm just like all the rest. I need mercy at the hour of my death. There's a sea where mercy lives. I've heard their stories, though I don't know anyone who's run their fingers on the rim. Where the mercy slips, it don't run, it drips. It don't run. Give me peace in my death. Breathe in my last breath. I am just like all the rest. Morceau qui dure pas plus pas moins de 10 minutes 26. Bon allez, on va peut-être pas se faire la totale, mais profitez de ce titre. Le groupe c'est The Man, leur album c'est Mercy, et ce morceau qui sort des standards d'aujourd'hui s'appelle Reading in Dirty Water. On écoute The Man. Thank you. desperately crunching on to a leaflet on depression supplied to me by the NHS. It's anyone's guess how I got here. Anyone's guess how I'll go. I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off. I'm going home, job seeker. Job seeker, boy. Say, Mr. Williamson, what have you done in order to bank gainful employment since your last signing on day? Fuck all, I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock, and some of these smelly bastards need exterminating. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at three managerial positions you previously held with quite reputable companies. Isn't this something you'd like to go back to? No, I just end up fucking robbing the place. You got a till full of 20s looking at you all day. Well, I'm hardly gonna fucking bank it. I got drugs to take and a mind to break. And a mind to break. And a mind to break. I'm gonna break my mind, I said, my job seeker. Can I strongbow, though I'm a mess. Desperately clutching on to a leaflet on depression. Supplied to me by the NHS. Is anyone's guess how I've got here? Anyone's guess how I'll go? I'll suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off. I'm going home, job seeker, wonder. Job seeker. Avec le morceau qui s'appelle Job Seeker. On en reparlera peut-être dans une prochaine mission, mais à présent, on va s'intéresser à un nouveau groupe qui a sorti deux albums en 2019, un dont on ne parlera pas parce que je ne l'ai pas trouvé génial. Par contre, l'autre s'appelle UFOF, le groupe s'appelle Big Thief, guitare sèche, guitare légère, la voix claire d'Adriana, un mélange de nostalgie, voire peut-être même de tristesse. Ils ont quatre albums à leur actif, on va écouter le titre Contact, sorti en 2019, l'album s'appelle UFOF. You seem so free. Amen. est toujours dans Pop and Rock avec Adriana et Big Thief. Le second morceau qu'on a partagé, c'était Strange, et on enfile un troisième et dernier morceau de ce quatuor Made in USA. C'est le titre qui donne son nom à l'album. L'album s'appelle UFOF, et c'est le nom également du morceau qu'on écoute à présent, Big Thief. Et on va filer ensemble dans notre machine à remonter le temps, vous la connaissez bien, pour nous retrouver en 1999 du côté de l'Australie, alors que Roland S. Howard était encore tout le monde et il nous chantait Dead Radio. For me like cigarettes, but I haven't sucked enough of you yet. Nothing is secret and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here with you. I've lost the power I had to distinguish between what to ignite and what to extinguish. I blew in last night, I'm a host from a coast when like Coca-Cola. I don't get any younger, you don't get any older. Everything's sacred and everything's true, and all this is possible when I'm here with you. I've got a lot to say, but I keep my own counsel. I'd like to spit it out, but I won't speak with my mouth full. I blew in last night, I'm the host from the coast. When the lighting is bad, I'm the man with the most. And you let me to choke on a heart up in smoke, smiling through your tears and your tetracycline overdose. Du poète rock maudit, vous savez, mort prématuré à 50 berges, alors qu'il appartenait à un groupe qui s'appelait The Birthday Party, dont Chator n'était autre qu'un habitué de pop and rock, un dénommé Nick Cave. À la mort de Roland, les Birthday Party disparaissent et laissent la place à The Bad Seeds, que vous connaissez, puisque ce sont eux qui accompagnent aujourd'hui Nick Cave. Allez, un nouveau morceau maintenant de Roland S. Howard. Nothing. temptation, sorrow and solitude. These are the precious things and the only words that are worth remembering. Terminer notre session consacrée à Roland Howard, on va se faire une petite sucrerie puisque Roland, donc le pote de Nick Cave, nous offre une reprise de Billy Idol, de Billy Idol, et je trouve ça très décalé, mais cette reprise pour moi elle appartient à ces reprises qui sont quasi meilleures que l'original. On se quitte donc avec White Wedding, c'était le troublant Roland S. Howard. Oh, it's a nice day to start again.

2004, c'était Bloc Party avec le morceau qui s'appelait Banquet. Et rappelez-vous bien, en 2004, il y avait également un morceau de U2 qui s'appelait Vertigo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Ah, et j'oubliais, on se quitte avec Green Day, toujours 2004. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me. I'm the only one and I walk alone. walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city